disait souvent comme ça, personne n'est parfait ici-bas, et seul l'amour est roi. Y'a fouille, y'a fouille, y'a liquéfie, fouille, y'a fouille, y'a liquéfie. Baby, baby, pleure pas comme ça, baby, baby, pleure pas comme ça. Laisse les caca-caquer, laisse les blo-blo-blo-fer. Oubliez ce qui s'est passé, effacer, balayer et tout recommencer. Y'a fouille, y'a fouille, y'a liquéfie, fouille, y'a fouille, y'a liquéfio. Baby, baby, don't cry comme ça, baby, baby, don't cry comme ça. Too much, sous fun down there. Too much, watch you down there. Too much, sous fun down there. Too much, watch you on. Y'a fouille, y'a fouille, y'a liquéfie, fouille, y'a fouille. From bossing around and marching around, fooling around, beat you to the ground till you're 6 feet on the ground. Wow! On your line, but I'm feeling fine. Day in, day out, I'm ready for fun. Switch my mind from the sound of a gun. Ya foy, ya na de foy. I say foy, ya na de foy. Waste of time, it's a waste of time. Hook on your line, but I'm feeling fine. Day in, day out, I'm ready for fun. Switch my mind from the sound of a gun. Ya foy, ya na de foy.